d'avoir 16 ans. Il avait des idées et des espoirs plein sa jeune tête. Sa fougue faisait plaisir à voir. Il se mit en quête d'un travail, certain que dans un pays riche comme le sien, il trouverait le lendemain même de quoi gagner sa Il frappa aux portes des petites moyennes entreprises. Partout ce furent les mêmes réponses. T'es trop jeune, sans qualification. Faut commencer par balayer, ramper dans tous les ateliers. Bref, il était vraiment un jeune con d'oiseau. Vite cette année-là, l'oiseau devint un familier de la maison. J'ai beau jeter des graines de pilpil de blé, chaque matin devant ma porte, oh, oh, oh, remplir de graisse une petite boîte, oh, oh, oh, là encore la loi du plus fort. Thank you. demeure le batailleur, défendir le territoire du pas de porte. Si bien que mon doux oiseau dut se contenter des miettes recouvertes de neige, j'avais appris à le guetter, à l'observer derrière ma fenêtre, en silence sans bouger. Un jour, je ne le vis plus. Les temps passèrent, un matin me promenant dans le jardin, je l'ai trouvé couché sous une branche. L'amour avait eu raison de son inexpérience, de sa jeunesse.